autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux et de t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement de tes jours. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal de t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement de tes jours. Je pense à chaque instant que tout peut m'arriver, mais mon cœur ne peut changer, il sera toujours vraiment content de t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement de tes jours. Un jour si tu le veux, on peut partir tous deux, partir en se moquant de ce qui enrage en nous voyant nous aimer follement, mon amour. Nous aimer follement tes jours. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux, et rien me rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse à t'aimer follement, mon amour, à t'aimer follement tes jours. Mais quand tu n'es pas là, je pense encore. T'aimer follement, mon amour, t'aimer follement de tes jours. T'aimer follement, mon amour, t'aimer follement.